de talisman. Tu vas voir dès ce soir leur puissance et mon pouvoir. Caillou noir et caillou blanc, mon joyeux maléfice. Caillou noir et caillou blanc, t'oblige d'être franc. Désormais plus de malice, tu diras la vérité. Entre nous ce sacrifice, tu l'auras bien mérité. Lorsque l'on te dérogera et que tu répondras, méfie-toi bien mon petit gars. Ne pas pouvoir mentir un peu, c'est un martyr affreux pour un amoureux. Caillou noir et caillou blanc, funeste maléfice. Caillou noir et caillou blanc, m'oblige d'être franc. Désormais plus de malice, je dirai la vérité. Entre nous ce sacrifice, je l'aurais bien mérité. Lorsque l'on m'interrogera, méfie-toi mon petit gars, à ce que tu répondras. Ne pas pouvoir mentir un peu, c'est un martyr affreux pour un amoureux. Que feras-tu pour ton rachat? Je donnerai ma langue au chat. Caillou noir et caillou blanc, caillou noir et caillou blanc, tu vas pouvoir t'apercevoir à ce petit jeu que les pouilleux sont de bons fieux. Car j'aurais pu me jeter un sort qui me transforme en rare sort. Les sorts, c'est comme les cheveux des nanas. Oui, il n'y a plus de nanas encore. Désormais plus de malice. Désormais plus de malice. Tu diras la vérité. Entre nous ce sacrifice. Entre nous ce sacrifice. Tu l'auras bien mérité. Lorsque l'on t'interrogera, méfie-toi mon petit gars, à ce que tu répondras. Ne pas pouvoir mentir un peu, c'est un martyr affreux pour un amoureux. Tu te débrouilleras comme tu pourras. Je crois que je suis fait comme un rat. Caillou noir et caillou blanc, car à son maléfice. Caillou noir et caillou blanc, car à moi si je mens.